Alors, bonsoir et bienvenue à l'Université du Québec à Montréal pour cette autre conférence en compagnie de Bernard de Montréal. Alors, une première information à vous signaler, c'est que la prochaine conférence aura lieu le 4 octobre, mais on va changer de salle. Ça ne sera pas à l'UQAM, puisqu'il n'y a pas de salle disponible en octobre, mais au Holiday Inn de la Place Dupuis. Alors, prochaine conférence, 4 octobre, Holiday Inn, Place Dupuis. Vous savez également que les billets sont toujours en vente au centre de l'universalité. On s'attend à beaucoup plus de monde que ce mois-ci, donc le 4 octobre prochain, parce qu'il va y avoir des annonces à la radio. C'est-à-dire que j'ai une émission dans la nuit du jeudi au vendredi en compagnie de mon ami Roger Drolet, qui a une émission qui s'intitule « Sommeil interdit », dans laquelle je fais une chronique d'actualité au niveau des conférences qui se donnent à Montréal. Et ça, c'est donc dans la nuit du jeudi au vendredi de minuit et demi à 1h du matin. Donc, ça va être annoncé abondamment. En plus qu'au Holiday Inn de la Place du Puy, je pense qu'il y a environ 350 places. Donc, on s'attend à ce que ça soit... On commence véritablement la saison au mois d'octobre. Alors, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Comme je pense que c'est un plaisir aussi pour vous, une fois par mois, d'assister à une entrevue en compagnie de Bernard. Et j'ai expliqué tout à l'heure que depuis qu'on se rencontre, ça fait quelques mois, je cherche à cerner en quelque sorte l'identité de Bernard de Montréal. Qui est-il? Et qu'est-ce que ça a été sa fusion? Et lorsque j'ai connu Bernard, j'étais une personne, on va dire, plutôt anxieuse. Aujourd'hui, je suis franchement angoissé. Parce que plus ça va, plus on le met sous la loupe, on le passe au microscope et quand on le regarde sous toutes les coutures, là, moins on a une idée précise de qui est cet homme. Alors, je me suis donné, en tout cas, je vous donne un rendez-vous, je pense que ce sera au mois de novembre. J'aimerais faire une entrevue avec Bernard et qui sera probablement intitulée « Bernard de Montréal, qui sont-ils ?» Des choses de ce genre-là. Ou qui sont Bernard de Montréal? Mais je commence à avoir une idée de plus en plus précise et puis ça risque d'être très intéressant. Alors, il nous reste maintenant à accueillir, suivant la formule consacrée, comme il se doit, notre ami Bernard de Montréal. Alors, je dédierai cette première partie à mon ami Roger Drolet de CKVL, la compagnie duquel on passe de très bonnes soirées. C'est un peu notre pusher national. C'est lui qui nous vend cette drogue toutes les nuits, qui nous tient éveillés de minuit à 5 heures du matin. Il est responsable de bien des défections au niveau du travail le lundi matin. Et cette conférence lui est consacrée puisque c'est avec Roger qu'on a souvent discuté des différents aspects de la sexualité, du couple, etc. Puisque c'est un sujet qu'il aborde sur les ondes depuis 14 ans. Il est le confident des auditeurs. C'est un peu comme le confesseur. Et il a donc acquis une très grande expérience, une très grande expertise dans ces domaines. Et je lui avais promis, lors de la prochaine rencontre avec Bernard, donc d'aborder un peu ce sujet sur la sexualité, différemment peut-être qu'il l'aborde lui-même sur les ondes. Alors Bernard, si je prends le point de vue des scientistes, je préfère prévenir plutôt que guérir, là, des scientistes, je dis bien, nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, les algues bleues, étaient capables de se couper en deux, en quatre. Ils se multipliaient à volonté. Ils étaient donc immortels, mais ils ne créaient rien de nouveau. Puis est arrivée la reproduction sexuée. Et